Ma meilleure amie me fait voir la vie autrement. Pardon, je parle même une autre langue. Merde, je tombe amoureux lentement. Plus je la vois, plus je suis pris de tremblement. Merde, on avait dit pas de ça entre nous. Mais quand je la vois plus, je suis dans le flou. Hey, si je lui avoue, ça sera sans retour. Mais j'ai besoin d'elle, car ma meilleure amie me fait voir la vie autrement. Quand on, je parle même une autre langue. Merde, je tombe amoureux lentement. Avec elle, je peux m'exprimer franchement. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Ma meilleure amie parle à mes potes et tout le monde l'adore. Je sens son odeur depuis la porte, je l'ai dans la peau, elle soigne de mes pores. Je fais jamais d'efforts pour la mettre d'accord. Elle en demande encore, encore et encore. Hey, force est d'admettre, quand je perds la tête, à la raison j'ai tort. Ma meilleure amie tous les soirs avec moi. Dans le noir, sans espoir avec moi. Le matin, les yeux collés avec moi. Même en chien et sans monnaie avec moi. Ma meilleure amie fait le tour de la terre, ma meilleure amie, je peux pas la tenir en laisse. Ma meilleure amie fait le tour de la pièce, ma meilleure amie, c'est comme mon ami, sauf que mon ami me dit d'arrêter de voir ma meilleure amie, parce que je ne sors plus. Ma meilleure amie me fait voir la vie autrement. Quand on, je parle même une autre langue. Merde, je tombe amoureux lentement. Son parfum provoque des étranglements. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Ma meilleure amie me fait voir la vie autrement. Quand on, je parle même une autre langue. Merde, je tombe amoureux lentement. Ça me fait du mal étrangement. Oh oh.